7h04. Vous écoutez Télé-Québec? Enfin non, vous ne l'écoutez pas, mais ça existe quand même. Mon nom est Jean-Denis de la Graveline. Bienvenue dans le Café matinal. Mon collègue Jean-Jérôme Landry-Gascon-Adon, bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Café matinal. Le café, je cherchais. Oui. L'espresso matinal, peut-être. L'espresso. Un peu plus, oui, l'espresso, voilà. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et étant donné que nous sommes à Télé-Québec, on aimerait prendre le temps de faire la promotion de quelques émissions que vous n'écoutez peut-être pas et qui valent la peine d'être découvertes. Le samedi soir à Télé-Québec, écoutez-vous Belle et Bonne. Ici, bon, ça existe encore. Mm-hmm. Une émission de culture musicale où se sont succédées les co-animatrices pour collaborer avec le toujours charmant Normand Brathwaite. Un homme heureux. Un homme heureux s'il en est un. Je pense que Normand Brathwaite aime autant faire de la TV que Stéphane Richer aime jouer au hockey. Ça, non, lui, va avoir... La radio a 1 million par année, non. Lui, il aimait pas ça. Non, ça, c'est le malheur. Faut-tu être déconnecté? Lui, va faire des documentaires Ma vie après le travail à sa retraite. Tu peux faire 3 annonces de Renault Dépôt au début de ton année. Puis tu te ramasses avec des contrats incroyables, de l'argent puis partout. Vas-y, ce gars-là faisait près d'un million par année à faire de la radio, à parler 15 minutes à l'heure. Oui. Richer est malheureux. Faut le faire, là. On est sorti de nos rôles, un peu de sérieux, on revient. Espresso matinal, Jean-Denis de la Graveline, Michel-Jérôme Landry-Gascon-Adon. Michel, oui, j'aime mieux ça, oui. Alors, tu as déposé ton mémoire pour la charte, Michel-Jérôme? Ah, oui, c'est déposé. Oui. J'en parle avec mes amis, hein. J'ai concocté ça avec mes amis un souper samedi soir dans le quartier... Le quartier près de la rue Cartier. On a mangé des produits locaux. On a un débat. On a un échange et un débat excessivement profond sur la charte. D'ailleurs, ma grande cousine était là hier pour faire entendre son mémoire. Ah oui, elle était là. Oui, j'aimerais vous partager ce beau témoignage. Il y a comme un deuxième degré là, dans ce qu'elle a dit. Là. C'est fondamental. Puis dans l'axe que j'ai choisi, ça exprime l'idée que l'homme et la femme sont d'abord des êtres nus. Mm-hmm. Nous ne sommes pas des êtres vêtus. Mm-hmm. Et donc, si on part toujours du principe que pour défendre une personne, on la voit habillée, on n'est pas en train de défendre l'humain en tant qu'essence intrinsèque. Je veux dire par là que... Je vous vois cligner de l'œil. Ce que je veux dire par là, je vais y aller doucement. C'est que... je vais vous rhabiller ça. Je vais vous rhabiller ça. J'étais tellement fier d'elle. Oui. Oui, ça prend du courage pour exprimer des opinions érudites comme ça sur la place publique remplie de foule vulgaire. C'est pas tout le monde qui peut comprendre. C'est pas tout le monde. Et le travail, on est à un autre niveau. Et le travail de pédagogie que Sylvie Bergeron a fait hier avec ça est remarquable. C'est remarquable, la pédagogie. C'est pas évident de prendre les idiots, les imbéciles, les gens qui ont des vies minables au Québec, là, qui prennent leur automobile pour aller travailler, là. Dans des usines de polluants là, remplies de poussière rouge là, c'est pas évident d'essayer d'apprendre à ces macaques là le sens profond et intrinsèque de la vie. Et merci pour la pédagogie. Oui. C'est important la pédagogie au Québec là. Vous écoutez Télé-Québec, un endroit où la qualité des quelques téléspectateurs est supérieure au code d'écoute. Revenons à nos brebis et nos moutons. Je vous parlais de l'émission Belle et Bonne qui, oui, espèce d'inculte, existe toujours. Ça me déçoit, Michel Jérôme. Tellement déprimant de voir qu'on fait des émissions à haute teneur culturelle et intellectuelle et de voir qu'à chaque année, on se fait calistophine voler dans les codes d'écoute par Caius Pupus et Cylindrique Le Germain dans les 12 travaux d'Astérix. Guerrier. Belle et Bonne, donc. Un endroit où la culture s'élève, s'anoblit. D'ailleurs, on a un extrait de l'émission qui a été diffusée samedi soir. Cette émission qui, oui, espèce d'inculte, existe encore. Désolé, je suis désolé. Mais, tu fais pas partie des moins de 100 000 qui le regardent? Je suis occupé. Moi, le samedi soir, j'écoute Espace Musique. C'est... Oui, oui, ben bon. OK, bon. Tu as mon pardon. D'accord. Tu as mon pardon. À propos, moi, mon nom, c'est Michel Jérôme Landry-Gascon-Dallon, après tout. Oui. Et moi, Jean-Denis de la Graveline, étant donné que vous n'écoutez pas Bel et Bum le samedi soir, ben, je me sens obligé de vous faire entendre quelques perles. J'imagine qu'on a fait le tour du bassin artistique québécois à quelques reprises depuis le temps qu'existe cette vénérable émission. J'aimerais vous faire entendre une grande artiste du Québec. Un monument. Un monument qui a décidé, entre deux plateaux d'excréments dans sa chambre d'hôtel, de nous offrir une rendition d'un artiste populaire que vous reconnaîtrez peut-être. Alors, extrait de Bel et Bum, c'est offert par notre télévision que nous subventionnons pour lui permettre de survivre année après année. Vous écoutez Télé-Québec, un endroit de haute culture. Michel Richard, une grande dame de la chanson québécoise, qui entre deux petits caca sur le tapis est allé en faire un sur la scène de Bel et Bum. Vous écoutez Jean-Denis de la Graveline et Michel Jérôme Landry-Gascon-Adon, deux hommes en or. Ça a pris quand même 3-4 jours avant que ça vienne à nos oreilles, tellement c'est écouté Bel et Bum et Télé-Québec. C'est en bas de 100 000 de code d'écoute, sans joke. Hein? Ouais. Ça, habituellement, c'est le genre de cochonnerie qu'en l'espace de 5 minutes, on se fait avertir. D'habitude, avertir, oui, là. Mais là, ça a pris quasiment 4 jours. Mais avant qu'on soit mis au courant de ça. Mais là, c'était le temps que quelqu'un nous le dise. Que ça existait, ça, là. C'est le plus beau moment de télé en direct depuis la famille Dion à l'émission d'Éric Salvaille. Vous avez le vidéo de ça, là? Oui, et je vous demande... RadioX.com. Oui, et je vous demande de porter attention. Au moment de la présentation, on voit Geneviève Borne assise aux côtés de Sylvain Cossette. Elle introduit Michel Richard et Sylvain Cossette hausse les sourcils en prenant une grande gorgée de son whisky ou de son cognac. Je pense qu'il savait après la répétition qu'il n'y avait pas à craindre qu'il resterait le roi des albums de reprise. C'est pas sûr qu'il est placé pour rire d'elle, par exemple. Au moins, il fausse pas ses tunes. Son quétaine, il pogne, mais au moins, il fausse pas. Ah non? Pas mal moins que ça, Jérôme. Fais pas de la peine à Sylvain Cossette, là. Il va avoir de la grosse peine, il va se moucher dans ses millions. Moi, je suis pas un grand analyste de musique, là, mais je trouve que ses reprises à lui sont pas nécessairement mieux que ça. Au moins, tu sais, ils sont pas super. Arrêtez de vous ostiner, là. C'est très mauvais, mais ça va. C'est ça. C'est quand même ça. La vérité, c'est que c'est ça, là. C'est mauvais, là. Comment tu fais pour reprendre une toune de 1975 puis la faire sonner le cul en 2013? C'est un tour de force, là, mais il y en a avant. Fait que nos yeux, là. Et pour ce qui est de Michel Richard, elle est aussi accompagnée de Patrick Bourgeois à la guitare, qui a l'impression d'être un guitar hero à côté. C'est du bonbon, du bonbon. Tu sais, on oublie que ça existe, Bel et Bum. Tu le disais tantôt, puis t'as raison, là, mais... Si jamais tu tombes là-dessus un samedi soir, premièrement, c'est que t'as pas une grosse fin de semaine. C'est avec tout ce qu'il y a à TV, des fois, puis ce qu'il y a à faire aussi autre que d'écouter à TV le samedi. Si jamais tu tombes sur l'émission, là, compte le nombre de musiciens payés qui sont sur scène. Ah, c'est terrible. L'industrie des cuivres travaille à Bel et Bum pour tout le Québec au complet. C'est terrible. T'as 8 drummers qui, ensemble, valent pas la moitié du coude de Neil Peart de Rush, là. Sont tous là, t'es entends pas. Ils jouent tous du tambour. T'as la fille trop expressive, là, qui sortait avec Louis-José Houd, là, qui a des tam-tams en avant. T'as 8 percussionnistes en arrière, un joueur de triangle, un joueur de timbale. T'as un corps anglais en arrière qui est Mike Gates. Juste le nombre d'émissions qu'il produit. Je te parle même pas de ce qu'il y a dans chaque émission. Le nombre d'émissions qu'ils produisent, c'est épouvantable, là. Ils en produisent en tabarouette du stock eux autres, là. Ils sont chanceux. Sais-tu pourquoi ils sont chanceux? À chaque semaine, à quelque part, on va parler de Radio-Canada, puis on va toujours se poser la question comment se fait qu'on paye ça avec l'argent de nos taxes. Pourquoi France Baudouin s'en va à Sochi, mettons, là? Ouais. Mais Télé-Québec, parce que personne l'écoute et que ça intéresse personne, on dirait qu'on oublie. On s'en rend pas compte. On oublie que ça existe. Ouais. Mais, prenez le journal, la presse, la semaine des sondages BBM de TV, là. Vous regarderez les moitiés de pages en couleur avec des animateurs que vous connaissez pas, d'émissions dont vous avez jamais entendu parler. Là. Ça coûte de l'argent, ça, là. Ben, c'est les plus belles pubs qu'ils ont, en plus. Des grosses pubs en couleur d'un première page de la presse. Les concessionnaires auto ne se payent pas ça. Télé-Québec se le paye avec notre argent. Puis on parle des émissions qu'eux produisent, mais ils présentent aussi des séries télé. Et pour pouvoir avoir les droits de ces séries-là, ils bêtent avec des chaînes spécialisées qui ont des gros budgets. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils dépensent encore là-dessus. Fait que c'est des budgets absolument astronomiques. Tu donnes des gros salaires à des animateurs qui intéressent juste le boss de Télé-Québec. Tu bêtes pour des séries que le monde écouteront pas parce qu'ils sont à Télé-Québec alors que le monde les aurait écoutées si ça avait été à V ou à TVA. Et à la fin de l'année, incontournablement, invariablement, arrive un petit Gaulois et son village d'irréductibles qui s'en vont faire 12 travaux pour prouver à Jules César qu'ils sont des dieux. Et voilà, Astérix, Caius Pupus, l'Égyptien qui hypnotise les gens pour les transformer en sangliers, deviennent le record de cote d'écoute annuel de Télé-Québec. Torche. Avec un film qui lui coûte à rien. Mm-hmm. Il torche les grands intellectuels qui se trouvent eux-mêmes intéressants. À toutes les années, hein? Du monde qui se trouve donc beau, pis donc drôle, pis donc intéressant, mais qui intéresse personne, que personne écoute. Il y a un bon show, à Télé-Québec, c'est les Francs-Tireurs. Pour être honnête, ça se peut que je l'écoute avec Gaétan Hart ce soir, qui va être l'invité de Martineau ce soir. Les Francs-Tireurs à TVA, d'après toi, c'est quoi la cote d'écoute? Je pense que je te dis pas que ça serait au-dessus du million. Je te fais un parallèle. Te souviens-tu du match de la vie? Oui, avec Claude Charron. Ouais. Est-ce que les Francs-Tireurs pourraient devenir, dans une vraie station de télévision, un genre de match de la vie moderne? Moi, je trouve que les Francs-Tireurs, c'est bien meilleur que ce qu'était le match de la vie, parce que juste la façon, je veux pas rentrer dans des grandes analyses télé, là, mais juste la façon dont c'est tourné, là, c'est la plus belle émission. Visuellement, là, c'est la plus belle émission d'affaires publiques. Là. Les plans de caméra, les décors, la lumière, la qualité de l'image... C'est ce qui se fait de mieux en TV en affaires publiques, là. Est-ce que Richard Martineau fait juste parler de la charte aux francs-tireurs? Non, il y a encore plusieurs sujets. C'est ça qui est le fun. C'est qu'il sort de ses sujets habituels, tu sais. Puis, il s'en va rencontrer Gaétan Hart. C'est un entrevue avec Gaétan Hart, le boxeur qui a tué un autre boxeur dans un ring. Qui a l'air de vivre dans des conditions très, très modeste à Montréal, d'un petit appartement dans sa cuisine. Modeste, t'es gentil. Ouais. Ça a pas l'air facile, sa vie, Gaétan Hart. C'est la seule émission que j'écoute à Télé-Québec, honnêtement. Là. Vous êtes quatre au Québec, là. C'est des, en bas de 100 000 aussi, là. C'est en bas de 100 000. Les derniers chiffres que j'ai, c'est 80 000. Eh, c'est bon. C'est pas beaucoup. Télé-Québec, quand ils ont présenté l'Astérix, c'est du 600-700 000. Pourtant, Dutrisac et Martineau, on peut pas dire que c'est les gars les plus... tu sais, ils ont quand même un petit côté people. Je veux dire, Dutrisac a des codes d'écoute à radio. Martineau est lu dans le journal puis est vu à TV aussi. Mais ça te prouve-tu que Télé-Québec disparaît de notre paysage télévisuel du jour au lendemain? Ça change rien. Ça fait pas un pli à personne. Ça change rien. On l'annoncerait pas qu'on s'en rendrait probablement pas compte en zappant chez nous le soir. Ça change rien. Puis le nombre de chaînes spécialisées qu'on a qui pourraient ramasser une émission de qualité, parce qu'il y en a sûrement une ou deux si on fouille la grille, puis oui, je pense que les Francs-Tireurs s'en est une. Les 12 travaux d'Astérix étant l'autre. tu sais, V ramasserait ça. TVA ramasserait ça. TVA aurait les Francs-Tireurs. Les Francs-Tireurs seraient un succès de code d'écoute. Parce que convaincu de ça. Je pense que ça marchait. Convaincu. Ouais. Par contre, pour Michel Richard qui chante Crazy Train, il n'y a point de salut. Si vous pensez encore qu'Ozzy est meilleur que Michel Richard, il va être au Colisée avec Black Sabbath le 5 avril. Ouais. C'est 7h17. Le show du matin. Choix 98.1.